Douiman. Bonjour à vous tous et merci d'être avec nous dans ce journal. Voici les grands titres. Le président du parti CNDD, Léonard Nyangoma, estime que la journée du combattant devrait être adoptée par le Parlement burundais parce que revêtant un caractère national, puisqu'il n'y a pas que les combattants du CNDD-FDD qui sont concernés, même si ce sont eux qui la fêtent. Et le secteur minier restera toujours opaque tant qu'il impliquera les fonctionnaires de l'État en général. Pour Faustin Dikoumana, président de l'organisation Parsem, il faudrait par ailleurs une nette concurrence dans la passation des marchés des sociétés qui exploitent ces mines et le contrôle régulier de l'enrichissement de certains au cadre de l'État. Des insectes de diverses sortes menacent les cultures, surtout le haricot et le maïs, dans les provinces de Gitega, Ngozi. Nos correspondants nous en parleront. Et dans la chronique santé ce mardi, un dermatologue nous donnera des éclairages sur le pityriasis versicolore, qui est une maladie de la peau due à des champignons. Voilà pour les grands titres. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Oh bonjour, le parti CNDD-FDD ne devrait pas célébrer seul la journée du combattant au moment où il y a ceux qui ont combattu pour le pays avant et pendant l'indépendance, ainsi que d'autres mouvements armés qui ont lutté pour la démocratie, d'après Léonard Nyangoma, président du parti CNDD, qui fut en mouvement armé. La journée du combattant devrait être adoptée par le Parlement burundais parce que revêtant un caractère national. Suivez Léonard Nyangoma, joint au téléphone par Évariste Nzikobanyanga. Je suis très perplexe sur cette journée de combattant. Tout d'abord, le pouvoir en place qui est dirigé par le parti CNDD-FDD, a organisé. C'est sa fête, c'est une fête du parti, ce n'est pas vraiment une fête nationale. Et s'il faut organiser une fête de combattants, il faut penser à tous les combattants, depuis Ntare-Rugamba, les combattants réellement, qui ont créé les frontières de notre pays, à tous ceux qui ont lutté pour l'indépendance pour notre pays, à tous ceux qui ont lutté pour la démocratie, le bien-être. Donc tout ça, ce sont des combattants. Le combattant, ce n'est pas celui qui tire, qui utilise l'arme, tout simplement, uniquement. Bon, cela étant, aujourd'hui, on voit que d'abord, ils n'ont pas même associé d'autres anciens mouvements armés. On voit qu'au cours de cette fête, qu'ils appellent fête de combattants, commémoration de la journée du combattant, on voit des uniformes uniquement des militants du parti au pouvoir. Alors, s'il faut une journée comme telle, cette journée de combattants pourrait faire l'objet de débat au Parlement et être adoptée par le Parlement et préciser clairement qu'ils sont associés à la préparation de cette fête. Donc, quels sont ces combattants? Bon, moi je vous disais tout à l'heure, il faut commencer par les combattants qui réellement qui sont battus pour créer le Burundi tel qu'il est aujourd'hui avec toutes ses frontières et d'autres combattants après qui ont lutté pour l'indépendance, qui ont lutté pour la démocratie comme nous. Léonard Nyangoma, c'est le président du parti CNDD. Nous avons cherché à ce sujet le commissaire chargé de l'information au sein du parti au pouvoir, qui a lancé ce lundi la semaine du combattant, mais sans succès. Il est encore difficile de rendre transparent le secteur minier au Burundi si certaines lois ne sont pas encore mises en application, telles que celles relatives à des incompatibilités. Le constat est de Faustin Dikoumana, président de l'organisation Parsem, après la réunion des intervenants dans le secteur des minerais avec le chef de l'État dans la province de Ngozi. C'était la semaine dernière, quand il a été décidé d'exclure de ce secteur les fonctionnaires de l'État, des militaires et ceux de la justice. Pour plus de transparence, il faudrait une nette concurrence dans la passation des marchés des sociétés qui exploitent ces mines et le contrôle régulier de l'enrichissement de certains au cadre de l'État. Suivez Faustin Dikoumana. Il devait y avoir une loi générale sur les incompatibilités. On a toujours réclamé que cette loi puisse régir les incompatibilités au Burundi, mais pas encore. Il y a aussi la déclaration des biens. Le phénomène d'enrichissement illicite, de blanchiment se généralise à grande échelle. La meilleure solution, c'est le contrôle de l'enrichissement de certains cadres de l'État à travers une déclaration systématique des biens, comme le stipule la loi. La Constitution est assez claire. Il faut la Société nationale des renseignements financiers qui devait avoir pour contrôler des transactions illicites, cadre de l'État, la thésaurisation, le manque de transparence dans les transactions. Mais jusqu'à maintenant, cette série n'a pas été mise sur le pied. Le code minier aujourd'hui qui ne fait pas transparaître la transparence et la concurrence de la série des contrats miniers avec ces sociétés qui exploitent les minéraux au Burundi. En dehors de cela, on voit que la corruption commence à frapper le cœur de l'État. Parce que même les lois qui sont là ne sont pas respectées. Vous voyez par exemple, la loi sur la déclaration des biens, elle est là, la commission le demande, et la loi anticorruption le demande, mais rien n'est fait. La volonté de lutter contre la corruption, de la transparence, elle n'est pas encore là. Faustin Dikoumana, c'est le président de l'organisation PARSEM. Et le ministère de la Santé publique et de la lutte contre le sida a organisé ce mardi un dépistage volontaire du diabète à la veille de la célébration de la journée mondiale de lutte contre cette maladie. Certains habitants de la capitale ayant répondu à ce rendez-vous saluent cette activité et demandent son extension à l'intérieur du pays. Reportage Moïse Misako. Ces habitants qui se sont présentés pour ce dépistage disent qu'ils sont venus pour savoir leur état de santé. Ils saluent cette activité. Lorsqu'on se fait dépister, on doit savoir, premièrement, comment vous souffrez de diabète. Et lorsque vous souffrez, vous allez savoir comment s'y prendre avec cette maladie. C'est pourquoi je suis là. Et si on boycotte le dépistage, quand il est gratis, vous allez agrandir cette maladie sans toutefois le savoir. Même s'il se dit satisfait, il demande que cette activité soit étendue à l'intérieur du pays. Elle est bonne, mais pas très bonne. Parce qu'il y a un seul médecin qui fait cette activité, alors que nous sommes nombreux. Il fallait avoir 3 ou 5, c'est très important. Et de ne pas même rester ici au niveau de la capitale, mais je demanderais que cette activité ne s'arrête pas ici au niveau de Bujumbura, et aussi à l'intérieur du pays. Le secrétaire permanent au ministère de la Santé publique et de la lutte contre le sida, Jean-Baptiste Nzokiranguze, précise que le choix de Wuyenzi est motivé par la population de cette localité qui ne s'occupe pas bien du sport suite à leurs activités. La zone de Wuyenzi, c'est connu, c'est l'une des zones de la mairie de Bujumbura, où il y a une population avec un revenu moyen, la zone de Bouyenzi, et aussi avoir le mode de vie de la population de la zone de Bouyenzi. Nous voyons que c'est une population qui vit principalement de moyens métiers, de petits commerces sur la route. Il y a ceux qui ne dépensent pas beaucoup d'énergie et donc qui ont la sédentarité, et la sédentarité est un facteur pouvant favoriser la survenue du diabète dans la population. C'est au moment où le monde célèbre chaque année le 14 novembre la journée du diabète. Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel. Également dans l'actualité, des chenilles ont attaqué les champs de maïs sur la colline Kibimba de la commune Guitéga en province Guitéga. Certains cultivateurs demandent aux responsables provinciaux de l'agriculture à Guitéga de leur donner des produits phytosanitaires pour sauver leur récolte. Le directeur provincial de l'agriculture et de l'élevage à Guitéga demande aux cultivateurs de consulter les moniteurs agricoles qui sont dans les communes pour qu'ils leur montrent où trouver ces produits. Arthur Kavabouchi. Karutimana est un des agri-éleveurs de la colline Kibimba. Il dit que ce mardi matin, il s'est réveillé pour attraper les chenilles qui ont attaqué son champ de maïs. Cet agri-éleveur, ainsi que d'autres contactés, indique que ces chenilles pourraient dévaster leur champ si rien n'est fait. Il demande aux responsables de l'agriculture à Guitéga de leur donner les médicaments dans les meilleurs délais pour protéger la récolte afin d'éviter la famine. Victor Rakengereza, directeur de la DPAI à Guitéga, demande aux agriculteurs de voir les moniteurs agricoles qui sont dans les communes pour que ces derniers leur montrent là où ils vont trouver les médicaments, car il y en a. Le responsable provincial de l'agriculture et de l'élevage fait savoir également qu'il y a d'autres méthodes naturelles de prévention de ces chenilles qu'ils ont vulgarisées l'année passée. Cette technique consiste à utiliser la terre sur les feuilles de maïs qui à son tour étouffe la chenille qui meurt ensuite. Victor Rakengereza demande aux moniteurs agricoles qui sont sur les collines et dans les communes d'être tout près des cultivateurs afin de prévenir avant que la situation ne dégénère. Depuis Guitéga, Arthur Kavabouchi pour la radio Isanganiro. Et des insectes appelés pucerons noirs menacent ces jours-ci pas mal de champs de haricots sur certaines collines de la commune d'Ngozi. Ces pucerons apparaissent quand le soleil s'abat sur ces champs alors que la pluie se raréfie, d'après le chargé de la formation et vulgarisation agricole à la direction provinciale de l'agriculture et de l'élevage, Ngozi. Émile Bakizouranvier indique que des insecticides sont disponibles au bureau provincial en charge de l'agriculture. Apollinaire Muzagara. Ces insectes dits pucerons noirs se font voir sur les collines Chamugani, Muremera et même sur d'autres collines environnantes. Ils endommagent les feuilles de haricots et causent l'arrêt de la croissance de cette plante. Le chargé de la formation et vulgarisation agricole au bureau provincial de protection de l'environnement, de l'agriculture et de l'élevage explique que ces pucerons noirs sont causés par le soleil en ces jours où les précipitations sont rares. D'un côté, la pluie tombe sur telle ou telle colline en épargnant d'autres et passe. De l'autre côté, bon nombre de jours sans tomber, d'où un soleil accable. Émile Bakizura en vient explique qu'en cas de précipitation suffisante, ces insectes tombent et la croissance du haricot continue. Il précise que des produits phytosanitaires qui font face à ces insectes sont disponibles au bureau provincial ayant en charge l'agriculture, l'élevage et la protection de l'environnement. Donc aussi, Apone Muzagara, Radio Sangani. Merci Apollinaire Muzagara. En actualité africaine, avant la chronique santé, 63 officiers ont été interpellés en Éthiopie. Ces officiers issus de l'armée et des services de renseignement sont accusés de corruption et de violation des droits de l'homme. Les arrestations de membres de l'appareil de sécurité sont rares et représentent une nouvelle inflexion de la politique éthiopienne par le premier ministre Abiy Ahmed, qui veut rompre avec le passé autoritaire du pays. Le procureur général n'a pas précisé l'identité des suspects, mais il a indiqué dans une conférence de presse que certains avaient déjà comparu devant la justice. Les faits de corruption présumés ont eu lieu à la Metals and Engineering Corporation, METEC, une entreprise dirigée par l'armée, a-t-il souligné. Selon le procureur général, des responsables de METEC ont été impliqués dans l'achat de biens pour un montant de 2 milliards de dollars sans aucun appel d'offres. Radio Isanganiro, chronique santé. Dans la chronique santé ce mardi, nous vous parlons d'une maladie appelée pityriasis versicolore. C'est une maladie de la peau due à des champignons. Comme nous l'explique le dermatologue Elie Mopera, la chaleur est la cause principale de la multiplication des mycoses. Cette maladie se manifeste par des taches sur la peau pouvant être confondues aux symptômes d'autres maladies comme le vitiligo, d'où la consultation du médecin est indispensable. Les détails avec Ornella Mucho. Le ptyriasis versicolore est causé par des mycoses qui colonisent facilement la peau quand ils se multiplient, comme l'explique Dr Eddie Mupela. C'est une maladie qui est due à des mycoses. Et ces mycoses ont besoin, comme je le disais tantôt, de certaines conditions, notamment une humidité, une persudation. C'est quand on transpire que les microbes se multiplient beaucoup et quand ils se multiplient, il y a une forte densité de microbes et qui colonisent plus aisément et notre peau et cause la maladie. Elle s'observe de manière particulière dans la plaine de Limbo où il fait chaud comparativement aux régions tempérées et des montagnes comme la région de Mugamba par exemple. Les taches au niveau de la peau comparées à une peau de léopard s'observent chez le patient contaminé par le ptyriasis versicolore. Le spécialiste des maladies de la peau nous l'explique. Sur le plan des symptômes, c'est une maladie qui se traduit par des taches au niveau de la peau, des taches bigarrées, mélanger deux zones qui sont pigmentées, c'est-à-dire très foncées, et des zones qui sont claires, et ça donne l'image comparée d'une peau de léopard. Cette maladie touche généralement la peau, mais elle peut également toucher d'autres parties du corps, comme l'indique Eddie Mupera. En dehors de ces taches, ça donne une sensation de démangeaison, un prurite, et c'est ce qui rend relativement inconfortable cette maladie, en plus du côté des troubles de l'esthétique que ça génère. C'est une maladie qui affectionne particulièrement la peau, mais qui peut toucher les muqueuses génitales, la bouche, les plantes des pieds ou les paumes de la main, mais également les plis entre les orteils. C'est ce qu'on appelle le pied d'athlète parce qu'on les retrouve essentiellement chez les athlètes et parce qu'ils transpirent abondamment pendant l'exercice de leur carrière. Le ptyriasis versicolore attaque facilement les parties les plus souvent humides surtout au niveau des plis. Et les parties les plus souvent infectées, ce sont des parties dont on dirait qui sont gluantes, qui sont plus particulièrement le visage, la partie, le thorax, le dos, la partie haute du dos, les zones médio-corporelles où il y a une hypersécrétion de sébacée, où il y a une impression de col qui agrippe et qui retient ces champignons, ainsi que les zones le plus souvent humides telles que les plis. Et ça se retrouve au niveau de tous les plis, le pli inguinal, sous-mammaire, axillaire, etc. Ça peut se retrouver partout. Dans la prochaine chronique, nous vous parlerons des conséquences de cette maladie et d'autres symptômes qui peuvent s'observer une fois que le ptoriasis versicolore n'est pas soigné et suivi comme il faut. Ornella Mucho avec Dr. Eli Mupera. Ainsi se referme ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Je vous en rappelle les grands titres avant de nous séparer. Le président du parti CNDD, Léonard Nyangoma, estime que la journée du combattant devrait être adoptée par le Parlement burundais parce que revêtant un caractère national, puisqu'il n'y a pas que les combattants du CNDD-FDD qui sont concernés, même si ce sont eux qui la fêtent. Le secteur minier restera toujours opaque tant qu'il impliquera les fonctionnaires de l'État en général. Pour Faustin Dikoumana, président de l'organisation Parsem, il faudrait par ailleurs une nette concurrence dans la passation des marchés des sociétés qui exploitent ces mines et le contrôle régulier de l'enrichissement de certains au cadre de l'État. Et des insectes de diverses sortes menacent les cultures, surtout le haricot et le maïs, dans les provinces de Gitega et Ngozi. Vous l'avez suivi avec nos correspondants respectifs. Et dans la chronique santé, vous venez de le suivre, le dermatologue Eli Mopera nous a donné des éclairages sur le ptoriasis versicolore, qui est une maladie de la peau due à des champignons. Voilà, c'est la fin de ce journal, mis en onde par François Akimana. Merci à toute l'équipe de la rédaction qui m'a aidé à le réaliser. Au micro, Jean Bosco Nouimana. Bon après-midi.